Le roi et son jardin. Il était une fois un roi qui avait planté près de son château toutes sortes d'arbres et de plantes, et son jardin était d'une grande beauté. Chaque jour, il s'y promenait. C'était pour lui une joie et une détente. Un jour, il dut partir en voyage. À son retour, il s'empressa d'aller marcher dans le jardin. Il fut surpris de constater que les plantes et les arbres étaient en train de se dessécher. Il s'adressa au pin, autrefois majestueux et plein de vie, et lui demanda ce qui s'était passé. Le pin lui répondit : J'ai regardé le pommier et je me suis dit que jamais je ne produirais les bons fruits qu'il porte. Je me suis découragé, j'ai commencé à me dessécher. Le roi alla trouver le pommier, lui aussi se dessécher. Il l'interrogea : En regardant la rose et en sentant son parfum, répondit le pommier, je me suis dit que jamais je ne serais aussi beau ni agréable et je me suis mis à dessécher. Comme la rose elle-même était en train de dépérir, il alla lui parler et elle lui dit « Comme c'est dommage que je n'ai pas l'âge de l'érable qui est là-bas et que mes feuilles ne se colorent pas à l'automne. Dans ces conditions, à quoi bon vivre et faire des fleurs ? Je me suis donc mise à me dessécher. » Poursuivant son exploration, le roi aperçut une magnifique petite fleur. Elle était toute épanouie. Il lui demanda comment il se faisait qu'elle soit si vivante. Elle lui répondit « J'ai failli me dessécher car au début je me désolais. Jamais je n'aurai la majesté du pin qui garde sa verdure toute l'année, ni le raffinement et le parfum de la rose. Et j'ai commencé à dépérir. Mais ensuite j'ai réfléchi et je me suis dit « Si le roi, qui est riche, puissant et sage, et qui a dessiné ce jardin, avait voulu quelque chose d'autre à ma place, il l'aurait planté. Si donc il m'a planté, c'est qu'il me voulait, moi, tel que je suis. Et à partir de ce moment, j'ai décidé d'être la plus belle possible. »